résonne dans la jungle sombre au loin, comme le tic-tac monotone qui du temps marque le point, comme cette pluie obsédante qui s'acharne sur le toit, sans arrêt ce rêve fou me hante, toi, toi, toi. La nuit, rien que toi, toujours, toujours, j'en suis ébloui. Que tu sois au loin, qu'importe, puisqu'en moi, tendrement, je t'emporte, ô mon amour. Nuit et jour, sans répit, le jour, la nuit. Le désir comme un démon me hante et me poursuit. Dans le tourbillon du monde, la solitude profonde, je suis à toi, rien qu'à toi, nuit et jour, au plus profond de moi. Un feu brûle qui me consume et ne brûle que pour toi. Mon tourment ne finira que quand tu me permettras de t'aimer toujours, nuit et jour.